إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi-idhnillah, wa bi-aunillah azza wa jal, l'explication du livre Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillah aw fi sifatillah wa asma'il husna. Lil-allama al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. On s'arrêtait donc le dernier cours à la troisième catégorie des gens suivant le comportement qu'ils ont eu avec les textes du Coran et de la Sunna traitant des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on avait vu qu'il y avait un groupe qui était sur Al-Haq, qui était le groupe des salafs et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons, de manière vertueuse. Et on avait vu ensuite qu'il y avait les deux autres groupes qui, eux, ont divergé de cette voie Sirat al-Mustaqim, de la voie droite. Et on s'est arrêté donc au troisième groupe, ayant expliqué le premier et le deuxième groupe, ou détaillé la voie du premier et du deuxième groupe. On s'est arrêté donc à la voie du troisième groupe, et on avait dit que c'était ceux qui étaient tombés fi at-ta'til, c'est-à-dire de renier al-inkar, de renier wat-ta'til, de renier donc les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui donc on va voir que leur madhhab, il est batil, il est faux, et cela sous plusieurs aspects. Donc ici une argumentation, une démonstration du Shia rahimahullah sous plusieurs aspects avec plusieurs points qui démontre donc la nullité de ce madhhab. Et le premier nous dit wa madhhabuhum batil min wujuh ahaduha annahu jinayatun ala an-nusus haythu ja'aluha dalatan ala ma'na batil ghayra la'iqin billah wa la murad lah. Donc le premier point, la première argumentation, c'est que ils ont fait un acte de transgression vis-à-vis des annusus, et annusus, comme on dit toujours, c'est bien entendu les textes, donc les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on est bien dans les noms et les attributs, concernant donc les noms et les attributs. Et comment cela, ils les ont transgressés, ces textes là c'est qu'ils les ont interprétés par un sens qui est faux et qui n'est pas propre à Allah subhanahu wa ta'ala, et dont il a voulu par cela ce sens là cette signification. Ça c'est la première chose, ou le premier point. Ensuite le deuxième point, il nous dit le shir wa kalamu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam annahu sarfu li kalami Allah ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wa sallam an zahirihi والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح اللسان بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على الظاهر المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. Donc le cheikh nous dit que le deuxième point ici pour prouver la nullité de leur madhhab, c'est qu'ils ont donc interprété la parole d'Allah Azza wa Jal, la parole également de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont donc interprété cette parole là et ils ont fait donc dévier cette parole là de ce qu'il indique en apparence. Alors que, comme on l'a déjà vu cela plusieurs fois, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il a parlé aux gens, il s'est adressé aux gens, subhanahu wa ta'ala, par le biais d'une langue qui est claire, la langue arabe. Et cela afin que les gens, ils puissent raisonner et puissent comprendre le sens de ces paroles-là, suivant bien entendu ce qu'implique la langue arabe, ce qu'elle implique par rapport aux termes qui sont employés de par cette langue-là et ce qu'ils indiquent en apparence. Et de même pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé aux gens avec la langue ou avec le langage le plus éloquent parmi le langage humain, c'est-à-dire bien entendu ici la langue arabe. Et donc à partir de là, il nous est obligatoire de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivant ce qu'ils indiquent en apparence, suivant ce qu'on comprend de ces textes employés, de ces termes employés, et qui reposent sur la langue arabe. Et bien entendu ici, avec une condition qui est fondamentale et qu'on avait déjà maintes fois expliquée, la première, comme il nous dit le shir, c'est de protéger cela, c'est-à-dire de protéger cette compréhension que l'on va avoir à partir de la langue arabe, des textes concernant les noms et les attributs, et protéger d'une part de at-takif, donc qui est le fait de donner une interprétation du comment au verset et au hadith concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal, et également at-tamthil, c'est-à-dire donc le fait de faire ressembler Allah Azza wa Jal ses créatures, d'établir une comparaison entre Allah et ses créatures. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم هو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف قد قف ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. Ensuite, le troisième point, c'est que de faire dévier la parole d'Allah Azza wa Jal et de son prophète de ce qu'ils indiquent en apparence vers un sens qui est contraire à ce qu'ils indiquent en apparence, ces textes-là, c'est en réalité une parole à propos d'Allah Azza wa Jal, concernant Allah Azza wa Jal, sans science. Donc c'est parler sur Allah Azza wa Jal sans science. وَهَذَا وَمُحَرَّمْ. Et ceci, bien entendu, c'est une interdiction. Et le chef va nous rappeler ce hadith, ou Arfan, il va nous rappeler cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, où le sens est le suivant, dit « Mon Seigneur m'a interdit. » Dit « Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. » C'est-à-dire les grands péchés. « Al-fawahish. » Tant apparentes que secrètes, celles qui sont apparentes, celles qui sont dissimulées. De même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, al-shahid, ici, donc le témoin argumentatif ici, c'est de dire sur Allah Azza wa Jal ce que vous ne savez pas, comme dans ce verset du Coran. Et on voit que ça fait partie des grands péchés. Sachant que dans ce verset, comme beaucoup de savants l'ont expliqué, c'est qu'Allah Azzawajal est parti du moins grave au plus grave, en citant ce qui était le moins grave au plus grave. Et on voit que ce qui vient ici, en termes de gravité, et ce qui va être le plus élevé dans la gravité, donc, c'est cette parole, donc la dernière, de parler sur Allah Azzawajal sans science, de dire des choses par rapport à Allah Azzawajal sans aucune connaissance, d'interpréter des attributs sans même preuve, sans même savoir si c'est réellement ce qu'Allah Azzawajal a voulu ou pas. Donc en tombant dans cette parole sans science, ayadun billah. Et de même, le deuxième verset qui a cité le shir, qui va dans le même sens, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc, la personne, à ce moment-là, au milieu du shirk, celle qui a donc fait dévier le sens apparent de ce qu'indiquaient les textes du Coran et de la Sunna, il a parlé sur Allah Azzawajal, sans science, et cela suivant deux aspects. Le premier, al-awwal innahu, il nous dit le shaykh, al-awwal annahu za'ama annahu laysa al-murad bi kalamillahi ta'ala wa rasulihi kadha ma'a annahu zahiru al-kalam. La première chose, il prétend cette personne que la parole, que le sens de la parole d'Allah Azzawajal de son prophète, ce n'est pas comme cela, c'est-à-dire comme ce qu'indique en apparence ce texte-là ou cette parole-là. Non, ce n'est pas comme cela. Donc, tout simplement, il va à l'encontre même du sens qui nous est donné en apparence. Il va dire non, ce n'est pas le sens. Donc ici, on voit qu'il va parler sans science parce qu'il n'apporte pas de preuve à ce qu'il va avancer. Il va dire que ce qui est ici en apparence, ce n'est pas ce qui est voulu. De quelle science, de quelle preuve il peut avancer cette chose-là et de dire cela? Il parle ici sans science sur Allah Azzawajal. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il nous dit أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. Il nous dit donc ici, sous ce deuxième aspect qui est cité, que celui المعطل النافي, celui qui renie les attributs d'Allah Azzawajal, certains des attributs d'Allah Azzawajal, celui qui renie cela, il va tout simplement apporter lui un sens différent de ce qu'indique en apparence le texte. Donc un sens qui est différent. Lui, il apporte un sens qui est différent de ce qu'indique en apparence le texte, après l'avoir renié ce sens-là, c'est-à-dire le sens apparent du texte. Donc on voit l'aspect également qu'il va parler sur Allah Azzawajal sans preuve. Et il nous dit le shir, وَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّعْيِينَ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَمُتَسَاوِيًا فِي الْإِحْتِمَالِ قَوْلٌ بِلَا عِلْمٍ فَمَا ظَنُّكَ بِتَعْيِينِ الْمَعْنَى الْمَرْجُوحِ لِلْمُخَالِفِ المرجوح المخالف للظاهر الكلام. Ici il nous dit le shir que comment on sait lorsqu'on, par exemple, on a un titre d'exemple, on a une question de jurisprudence taïeb, il se peut que sur un point de jurisprudence qui va être pris d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un titre d'exemple, ou alors d'un verset du Coran, ou alors d'un verset du Coran, il se peut que deux sens ressortent de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un point de vue juridique. Ou alors deux sens en ressortent de la parole d'Allah Azzawajal d'un point de vue juridique. Et que ces deux sens, en réalité, par rapport à ce qu'ils indiquent, et par rapport donc à leur validité, ils sont équivalents. C'est-à-dire qu'on ne peut choisir un des sens par rapport à l'autre, tellement ils sont équivalents par rapport à ce qu'ils indiquent, et que cela en réalité est conforme au sens apparent du texte, soit du Coran que soit de la Sunna, et qu'il se peut que ce sens est valable, et qu'il se peut également que ce sens il est valable. Donc on a deux sens ici qui ressortent d'un texte. Il dit le shir, si maintenant on choisit un de ces textes, ou Arfouan, si on choisit un de ces sens par rapport à l'autre, sans un dalil, sans une preuve, c'est parler sans science. Enam. Si maintenant, après avoir su que deux sens ressortent de ce texte d'un point de vue juridique et que je choisis l'un de ces sens-là en délaissant l'autre sans une preuve qui va faire balancer ou qui va donner plus de fiabilité ou plus, on va dire, plus de force à un des sens par rapport à l'autre, sans apporter une preuve de ce que j'avance ou de mon choix, ici à Tarien, de ce que j'ai choisi donc, c'est en réalité parler sans science. À titre d'exemple, comme ce verset du Coran, Allah Azza wa Jalla dit wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, c'est-à-dire donc que les celles qui sont divorcées, que leurs maris ont divorcé, elles doivent donc observer une période, et cette période elle est donc de 3, ici le terme employé par le Coran, qurun al-aqra, qurun. Et il faut savoir que les savants, ils ont divergé par rapport au sens de ce terme-là. Est-ce que par ce terme-là, on veut dire le moment de pureté, at-tur, ou est-ce qu'on veut dire le moment des règles même, al-hayd? Est-ce que ça veut dire al-hayd ici? C'est-à-dire qu'on doit observer 3 hayd, 3 menstrues, ou alors qu'on doit observer 3 moments de pureté, après donc la venue des menstrues. Ici, un irtilaf des savants par rapport au choix qui a été fait. Donc certains savants ont choisi que c'était at-tuhr et d'autres ont choisi que c'était al-hayd, alors que par rapport au sens, ce terme-là, il comprend aussi bien al-hayd comme il comprend at-tuhr d'un point de vue linguistique. On peut aussi bien le comprendre comme étant at-tuhr, c'est-à-dire un moment de purification, comme on peut le comprendre comme étant un moment de la menstruelle al-hayd. Et donc ici, si un savant serait venu et dit moi je fais le choix que c'est le moment de la menstrue et je délaisse donc le moment de la purification, alors s'il n'apporte pas de preuve sur ce qu'il va donc choisir et donc délaisser le deuxième sens, c'est parler sans science. Et on sait bien entendu que les savants, ils ont divergé et chacun a apporté ses preuves. Ça, c'est un exemple bien entendu. Si au cas un savant serait venu, une personne de science serait venue, il aurait fait un choix entre les deux sens que comporte ce terme-là, sans apporter une preuve. Donc il nous dit le shir, si maintenant, à ce moment-là, on sait que, Adam Arloum, ça c'est connu, que de faire ce choix-là sans même une preuve, c'est parler sans science, alors que dire que lorsqu'on va faire le choix d'un sens qui est en lui-même non valable, où il n'a même pas ici de validité, et qu'on va donc le choisir par rapport à l'autre sens qui lui est valable. Donc on voit bien que c'est encore pire. On voit donc ici, de manière claire, comment ces gens-là, ils ont parlé sur Allah Azza wa Jalla sans science, en prenant un sens qui n'est pas valable et en le choisissant au dépens du sens qui lui était à la base valable, car il était, ce sens-là, il était bel et bien en conformité avec le sens apparent ou avec ce que nous indique de manière apparente le texte. Il va nous donner un exemple, cher. فيقول مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, dont le sens est le suivant, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains. Il nous dit فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين الحقيقتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بالدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفي وإثباتي. L'exemple qui nous a donné le shir en revenant donc ici au verset qui atteste والله عز وجل atteste de l'imam qu'il a deux mains, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Donc il parle à propos de Adam, qu'il a créé de ses propres mains, subhanahu wa ta'ala, et dont Iblis n'a pas voulu se prosterner devant lui, qui n'a pas oublié à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit le shir ici, en apparence le terme qui est employé, biyadei, c'est bel et bien le terme, les mains, que l'on traduit donc par les mains, ou les deux mains, pour être plus exact, biyadei, non par les deux mains. Le fait de faire dévier le sens de ce terme-là, de ce qu'il indique en apparence, il s'est bel et bien les mains, et que l'on dise qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu par ce terme employé, ici les mains, biyadei, les mains qui sont réelles et qui sont propres donc à Allah Azzawajal, mais qu'il a voulu cela ou cela. Comment on fait les gens de l'innovation, ceux qui ont dit ici c'est le bienfait d'Allah, ou alors c'est la puissance d'Allah, la volonté d'Allah, etc. Tout ce qu'ils ont pu donc inventer comme sens, alors qu'on voit que c'est un sens qui est bel et bien loin du sens apparent. Ici on a l'yadei, comment on est venu avec ce sens, comment on a interprété par ce sens, type d'exemple bienfait, etc. Alors on leur dit, quelle est votre preuve sur ce que vous avez renié? Renié ici le sens apparent de ce texte et de ce terme biyadei. Et quelle est votre preuve dans l'autre sens de ce que vous avez attesté, à titre d'exemple donc lorsqu'ils ont dit le bienfait ou alors la puissance d'Allah, etc. Donc s'ils viennent avec une preuve, et bien entendu ce qui est impossible parce qu'il n'y en a pas, donc s'ils ne viennent pas avec cette preuve qu'on leur demande, alors automatiquement ils ont parlé à Allah Azzawajal sans science, dans le fait qu'ils ont renié, dans le fait qu'ils ont attesté. Regardez ici de manière claire et explicite ce que le shir a argumenté pour prouver que ces gens-là qui interprètent les attributs d'Allah Azzawajal, ils ont parlé sur Allah Azzawajal sans aucune science. Sans aucune science. Sans même une preuve. Simplement de par leur tête. De par leur aql. De par leur propre raison à eux. Uniquement. Ça, c'est une preuve qui est plus qu'évidente. Ça donc, c'était pour le troisième point. Le troisième aspect. Ensuite, le quatrième aspect. Yaqul al-Shir. Al-Wajhu al-Rabi' fi ibtal madhhab ahli at-ta'til. أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسلف الأمة. Le quatrième aspect, pour donc mettre à l'eau la démonstration des gens du Ta'til, donc les gens qui ont renié les attributs d'Allah Azzawajal, c'est de leur dire que ce qu'ils ont fait ici, donc faire dévier le véritable sens de son apparence, c'est de dire que c'est tout simplement au contraire avec ce sur quoi était le prophète sur sa même croyance, et également ses compagnons, et également les plus prédécesseurs de cette communauté, et les imams vertueux de cette communauté. Car on sait que tous, du prophète jusqu'à nos jours, ceux qui ont suivi les salafs, parmi les grands savants de l'islam, tous, ils ont attesté ce qu'Allah Azzawajal a attesté pour lui-même. Et ils n'ont aucunement renié ce qu'Allah Azzawajal a attesté. Donc, ici, c'est plus que clair que ce qu'ils ont fait, c'est batil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah Azzawajal, il avait des attributs. Il a cité beaucoup de ses attributs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans même un jour nous indiquer que ce qui était voulu par ses attributs c'était telle ou telle chose, comme eux ils l'ont fait. Ensuite, al-wajh al-khamis, donc le cinquième aspect, an yuqal lil-mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsihi, fa sayaqul la. Maintenant, lui poser une question. Donc, on voit ici, hiwar, on voit donc ici, que le shir, dans son procédé, lorsqu'il a écrit donc ce livre, c'est de mettre en avant une conversation, une discussion qu'il y aurait entre une personne des gens de la sunna et un mu'attil, celui qui renie. Et donc, ici, par implication, il dirait, هل أنت أعلم بالله من نفسه. Est-ce que toi, donc, tu es plus savant qu'Allah Azzawajal? Qu'Allah, lui, il est savant de lui-même. Est-ce que toi, tu es plus savant par rapport à Allah, de ce qu'Allah, il est savant de lui-même? Donc, automatiquement, il va dire non. Sinon, ça serait du kufr, évidemment. ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدقنا وحق فسيقول نعم. C'est-à-dire lui poser la deuxième question, ce qui nous a informé Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a informé à propos de lui-même subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela est vérité, est-ce que cela est véridique, est-ce que cela est sincère? Automatiquement il va dire فسيقول نعم. S'il aurait dit le contraire, ce serait du kufr évident, la mécréance évidente. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى فسيقول لا. Est-ce que tu connais maintenant la troisième question? Est-ce que maintenant tu connais une parole qui est plus éloquente, plus explicite que la parole d'Allah Azzawajal? Il va dire non. ثم يقال له. Et donc ici, en quatrième étape, on va lui dire هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا بعقولهم فسيقول لا. Donc ici la quatrième question, est-ce que tu penses qu'Allah Azzawajal, il aurait voulu donc dissimuler, rendre la vérité cachée, afin que les gens, de par leur propre raison, ils en puissent sortir la vérité. Est-ce que cela est acceptable de penser une telle chose par rapport à Allah Azzawajal? Face à Yaqullah Tab'an, il va dire non, sinon ce serait également du kufr ici. Hadama yuqal lahu bi'tibar ma jaa fil Qur'an. Donc toutes ces questions vont l'amener de manière claire à réfléchir sur ce qu'il avance et de voir que ces questions et ce à quoi il a répondu, elles impliquent qu'il doit revenir donc au texte des attributs, des noms et des attributs, et qu'il doit donc les comprendre comme ils sont venus en apparence, sans rien interpréter ou sans rien renier ou sans faire une seule comparaison avec Allah Azza wa Jal. Ici bien entendu on est par rapport à celui qui renie, donc ne pas renier les textes ou alors les interpréter, ce qu'ils appellent le ta'wil, qui est en vérité un nafi, qui est en réalité, comme on l'a déjà démontré, qui est en réalité un reniement. Ça, ce qu'on dit par rapport donc à ce qui est venu sur le Coran, par rapport à ce qui est venu à la Sunna, on va dire donc la même chose. Est-ce que toi tu es plus savant que le prophète Sallam par rapport au droit d'Allah Azzawajal et par rapport à la description d'Allah Azzawajal? Il va dire non. Et de même, est-ce que le prophète Sallam, ce qu'il a dit par rapport à Allah, est-ce que c'est véridique ou pas? Il va dire de même. Donc ainsi de suite. Et est-ce que le prophète Sallam n'était pas l'homme qui s'exprimait le mieux et le plus éloquent par rapport donc au bayan qu'il a fait, à la clairvoyance qu'il nous a donnée vis-à-vis donc de cette religion? De même. Donc toutes ces questions vont revenir toujours à démontrer à cette personne-là, de par ses réponses qui sont inévitables, vont l'amener à réfléchir et à se dire au fond de lui qu'il est réellement dans l'erreur, s'il est sincère en lui-même. Taïb. Et donc le chien ensuite, il va le dire donc à cette personne, il dit pourquoi tu ne vas pas revenir donc à cela, et que tu ne vas pas donc délaisser ce que tu as renié. Ensuite le shir, il nous dit al-wajh as-sadis, le sixième aspect. Donc regardez, bien entendu, on aurait pu en rester à deux ou trois aspects pour ce qui est de réfuter et de démontrer la nullité de ce madhab qui est madhab al-mu'attila, le madhab de ceux qui ont renié les attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais bien entendu, plus on va apporter d'aspects, c'est ce que fait le shir, et plus bien entendu la parole elle a tout son poids, ou la démonstration elle a tout son poids. Et donc il nous dit le shir al-wajh as-sadis, le sixième point ou la sixième démonstration ici qui est faite fi ibtal madhhab al-ta'til, annahu yalzamu alayhi lawazim batila wa butlan al-lazim yadullu ala butlan al-malzum. C'est-à-dire donc ici que lorsqu'on va dire et lorsqu'on va parler avec les paroles de leur madhhab et qu'on va avoir donc la croyance de ces gens-là al-mu'attila, ça va impliquer des choses. Cette croyance-là, elle va impliquer des choses. Ce qui va nous démontrer. Tout ce que cela va impliquer. Leur croyance à eux, fi nafi as-sifat, fi tahtil as-sifat, ça va impliquer plusieurs points. Et le shir va nous démontrer ici que c'est des implications qui sont totalement nulles et totalement fausses. Donc ces implications, si elles sont fausses, elles sont nulles. Donc automatiquement, ce qui a été tiré de ces implications va être lui-même nul, va être lui-même faux. Et c'est pour ça qu'il dit au butlan al-lazim yadullu ala butlan al-malzum. Famin hadhihi al-lawazim. Donc il va ici nous donner des implications, ce qu'implique leur croyance à eux dans le fait de renier les attributs, les interpréter. Donc ici il va en citer plusieurs, le shir également. Il nous dit awwalan. Et bien entendu, ces démonstrations, elles sont précises. Et elles sont très importantes pour comprendre réellement, sous toutes les coutures, comment ces gens se sont égarés, et pour également avoir une démonstration qui est forte et solide pour répondre à eux lorsqu'on va donc leur parler. Car on sait que on ne peut avoir une discussion avec une personne qui a une telle croyance qu'avec science, et qu'on ne pourra le ramener réellement à la vérité s'il la veut. Que si on a science de cela. Et donc on voit ici que toutes ces argumentations, c'est ça la science. C'est ça, yani, parler avec ilm. C'est ça, parler avec science, démontrer avec science. Le shir nous dit, فَمِنْ هَذِي اللَّوَازِمْ أَوَلًا أن أهل التعطيل لم يسلفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث يعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثل شيء. قال نعيم بن حماد الخزعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. Ici va nous dire le cheikh que donc les gens du Ta'til, et ça on a déjà vu, et ça si on a compris cela, on a compris réellement pourquoi ces gens-là, ils ont été amenés, donc de par leur propre raisonnement, ils ont été amenés à renier les attributs d'Allah Azzawajal. Ils ont été amenés à renier les attributs d'Allah Azzawajal et les interpréter à leur façon, suivant leur raisonnement, est-ce que accepter leur raisonnement, tout simplement parce qu'ils ont cru que le fait de les attester, c'est ça vraiment le point de départ de leur regardement. C'est que le fait d'accepter ces textes concernant les attributs d'Allah Azzawajal comme ils sont venus en apparence, ça a impliqué de manière claire de faire acte d'anthropomorphisme. Ou alors, à moindre, ça prêtait à confusion. Ça devenait ambigu. Muhim tashbih Allah ta'ala bi khalqi. Donc le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures. Et bien entendu, le fait de comparer Allah Azzawajal à ses créatures, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Yannahu takdhib li qawli ta'ala, car c'est démentir ce qu'Allah Azzawajal dit dans son Coran, laissa kamithlihi. Il n'a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça réellement. Et c'est pour ça qu'on va voir que ces gens-là qui ont interprété les sifat et qui sont rentrés fi ilm al-kalam, qui sont rentrés donc dans la science spéculative, on va s'apercevoir, comme ça a été le témoignage de beaucoup de gens qui sont revenus de ce madhab qui mène à rien, qui mène uniquement au doute. Et c'est pour ça que ces gens-là, même au moment de la mort, au dernier moment de leur vie, il leur vient le doute en eux-mêmes, subhanallah, dans leur cœur. Donc on voit au moment où le plus important de la vie, au moment où on va quitter cette dunya, on voit qu'à ce moment-là, c'est les doutes qui surgissent de tous les côtés de ces gens-là. Car tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont cru, ça n'a mené à rien du tout concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, lorsque ces gens lisent le Coran, lorsqu'ils passent, ou lorsqu'ils sont en train de lire des versets concernant les attributs d'Allah azawajal, comme les mains d'Allah, etc., lorsqu'ils sont en train de lire des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les attributs, tu vois qu'ils, en eux-mêmes, ils ont le doute qui vient, ils croient qu'ils sont en train de, lorsqu'ils lisent, qu'ils sont en train de faire une comparaison entre Allah et ses créatures. Donc on voit, de par leur croyance, et le fait qu'ils ont délaissé cette croyance qui est saine, le fait de savoir qu'Allah a les attributs, ces attributs ne ressemblent à rien avec ses créatures, il n'a aucune ressemblance, mais de les attester comme Allah les a attestés pour lui-même, sans faire même une comparaison. Et donc, à partir de là, avoir une croyance qui est saine, une croyance qui est loin de tout doute, subhanallah. Et regardez ce qu'il va dire le shir, il va nous rapporter une parole importante d'un des grands salafs de cette communauté, et qui était l'un des shir de l'imam al-Bukhari rahimallah, Nu'aym ibn Muhammad al-Khuza'i, un des grands rapporteurs de hadith rahimallah, rahmatullah ala al-jami'a. Il va dire cette parole: man shaba Allah bi khalqi faqad kafar. Donc celui qui a fait ressembler Allah à ses créatures, il est donc devenu mécréant. Il est tombé dans la mécréance. Ici, bien entendu, c'est du kufr. Celui qui dit que Allah Azzawajal, il a une main comme la main de l'homme, c'est du kufr. Cet homme-là, cette personne-là, elle sort de l'islam. Si une personne, elle dit que le visage d'Allah Azzawajal, c'est comme le visage de l'être humain, cette personne-là, elle sort de l'islam. Man shabba Allah bi khalqi fa kafar. وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ. Et ici donc, c'est une mise en garde du tashbih qui est faite par ce grand imam des salafs. C'est une mise en garde qui fait du tashbih, de l'anthropomorphisme. Ensuite, le deuxième point, c'est une mise en garde de celui qui va renier le juhud, ici le fait de renier, qui est fi ma'na al-nafi, qui est fi ma'na al-ta'til. الجحود ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. Celui donc qui a renié ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit de lui-même, subhanahu wa ta'ala, faqad kafar. Il est tombé également dans la mécréance. Mais ici, pour ce qui est de la mécréance, on a deux situations. C'est-à-dire que le al-juhud ou al-jahd qad yakun takdiban. C'est-à-dire qu'il ce qu'on appelle jahd takdib, le fait donc de renier par mensonge. C'est-à-dire donc de démentir même les textes qui concernent les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ça bien entendu c'est du kufr. C'est du kufr, celui qui croit cela, celui qui dit cela c'est un kafir. Il sort de l'islam. Par contre, le deuxième jahd, la deuxième catégorie ici du reniement, ce qu'on appelle jahd ta'wil, c'est-à-dire le fait de renier mais en passant par l'interprétation. Comme le fait de dire par exemple al-istiwa, donc je crois bel et bien à l'établissement d'Allah Azza wa Jalla sur son trône, mais al-istiwa ici, c'est bimarna, al-istawla par exemple. Tayyib. Ou alors, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de ses mains, c'est de dire je crois bien aux mains d'Allah Azza wa Jalla qui sont dans le Coran, mais l'interprétation de ses attributs, c'est en réalité son bienfait, c'est en réalité de son pouvoir, etc. Ça, cette personne-là n'est pas kafir, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de l'islam de par cette croyance. Awala, c'est-à-dire elle a un ta'wil, elle a une interprétation qui a été faite des textes. Tayyib. Et ensuite, walisa ma wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihan. Et bien entendu ici, donc pour prouver et pour mettre en place le madhab des salaf, il dit ce grand imam des salaf, walisa ma wasafa Allahu bihi nafsahu. Ce n'est pas donc ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit de lui-même, et non plus son prophète. Wala rasuluhu tashbihan. Ça ne fait pas partie ici donc du fait de faire une comparaison entre Allah et ses créatures. Et nous dit le shir, ou min al ma'loum, ana min abtal al batil an yuj'ala zahiru kalam Allah ta'ala wa kalam rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tashbihan wa kufran aw muhinan lidhalik. Tashbihan wa kufran aw muhinan lidhalik. Tayyib. Ça donc c'est pour ce qui est de la première implication. Le fait qu'ils ont interprété, ça a impliqué chez eux que, en attestant, on tombait dans le tashbih, on tombait donc dans l'anthropomorphisme ou à tamthil, et donc ici on a démontré que c'était une implication qui était strictement fausse. Donc ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont avancé, ici l'interprétation, qui en réalité est une nafi, c'est donc faux. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième implication, le shir nous dit ثانياً أن كتاب الله تعالى الذي أنزل تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكالا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. Il nous dit, le shir, donc, que le livre qu'Allah Azza wa Jalla, il a fait descendre sur ses créatures pour qu'ils le lisent, pour qu'ils le comprennent, et qu'il met en évidence dans toute chose, et qu'il guide les gens, et qu'il est un remède pour ce qui est dans le cœur des gens, pour ce qui est dans la poitrine des gens, que c'est une lumière qui est claire, que c'est un discernement entre la vérité et entre le faux. Dans ce livre donc, qui a tous ses sifat, qui a tous ses attributs, qui a tous ses caractéristiques, ça impliquerait de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont eu comme croyance, donc ici le reniement et l'interprétation, ça donc impliquerait qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas mis en évidence ce qui était obligatoire pour les créatures de connaître et donc d'avoir croyance, ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Mais qu'en réalité donc il a laissé cela, c'est-à-dire le fait de comprendre cela, donc ce qui est en relation avec les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla, il a remis cette chose-là, Allah Azza wa Jalla, à leur propre raison. Donc à partir de là, ils attestent par Allah Azza wa Jalla ce qu'ils veulent et ils renient par rapport à Allah Azza wa Jalla ce qu'ils veulent, et bien entendu cette implication elle est bâtie. Cette implication également, elle est totalement fausse. Que de croire qu'Allah Azza wa Jalla, qu'il a fait descendre dans son Coran toutes choses, qu'il a expliqué toutes choses, mais concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla, ses propres noms, ses propres attributs, subhanahu wa ta'ala, il a délaissé cela, c'est-à-dire le fait d'avoir expliqué de manière claire ses attributs et ses noms, et qu'il a délaissé cela donc pour que les hommes s'en remettent à leur propre raison, pour découvrir donc ce qui est dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. Pour ce qui est de l'isbeth, le fait d'attester ce qui va de droit à Allah Azzajal et le fait de renier ce qui ne va pas de droit à Allah Azzajal. Et bien entendu, dire une parole comme cela, ou démontrer l'implication de leur croyance à eux, c'est quelque chose qui est faux, une implication qui est totalement fausse. Donc leur croyance, par conséquent, est également fausse. Il nous dit le Cheikh Thalifan, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khulafa'u wa Rashidin, wa Ashabu, wa Salaf al-Umma, wa Immatuha. كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذاب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وإمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة. Le Cheikh nous dit également ici ce que ça implique, ce qu'ils ont fait eux et ce que ça implique. On sait qu'il ne nous est pas parvenu une seule phrase de la croyance qu'ils ont eux attestée du prophète, des salafs, donc des compagnons de ceux qui les ont suivis. Il ne nous est pas parvenu d'eux une seule phrase, un seul mot qui atteste ce dont eux ils ont choisi comme croyance concernant donc les attributs d'Allah Azzawajal, pour ce qui est du droit d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire ce qui lui revient de droit et ce qui lui est interdit dans son droit, subhanahu wa ta'ala. Absolument rien. On n'a jamais entendu un salaf à Attala qui a renié les attributs d'Allah Azzawajal, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les compagnons ou eux. Donc cela va impliquer deux choses, vu que ça ne nous est pas parvenu, leur croyance à eux, qu'ils ont attesté maintenant en interprétant et en reniant les attributs d'Allah Azzawajal, ça ne nous est pas parvenu du prophète et ni des salafs. Donc cela va impliquer deux choses, ihtimalan, c'est-à-dire deux choses qui vont être possibles, valables. La première, c'est soit, comme il dit le shirkan ou qasirin, on a bien entendu bidoun qast, c'est-à-dire qu'ils étaient incompétents. Ils étaient incompétents de connaître tout ce qu'il y avait dans le droit d'Allah Azzawajal. C'était donc de l'incompétence ici. Taqsir, qasirin. Ou alors muqassirin. C'est-à-dire ici un manquement. Ils nous ont caché, ou alors ils ne nous ont pas fait parvenir toute chose de ce qu'ils auraient dû nous faire parvenir. Donc soit dans un premier temps, c'était donc bidoun qast, c'est qu'ils étaient tout simplement incompétents. Donc soit par leur ignorance, leur incapacité, an ma'rifati, comme dit le shir, ou alors ils ont fait preuve donc de manquement. Et on sait que ces deux choses, il dit le shir, ces deux choses, c'est strictement faux, c'est strictement impensable. Donc ça nous prouve encore une fois que cette implication, elle prouve que leur croyance est également fausse. Il nous dit le shir rabi'an, anna kalam Allahi wa rasulihi ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. Donc le shir nous dit ici également ce que ça va impliquer leur croyance, c'est que la parole d'Allah Azzawajal du prophète, ce n'est pas une chose sur laquelle on revient, donc ce n'est pas un marji', ce n'est pas donc une source même pour les gens dans ce qu'ils croient vis-à-vis de leur Seigneur, vis-à-vis de celui qu'ils adorent. Car on sait que la croyance ou la connaissance d'Allah Azzawajal, de leur Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la chose qui est la plus importante avec laquelle est venue donc les législations, les religions. Taïeb, bien entendu, lorsqu'on dit les législations, les différentes législations qui sont venues avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Belwa zuddatu risalat, c'est même donc ce qui est le plus important que l'on retrouve dans le message des prophètes. C'est ce qui est le plus important, qu'on a pu connaître Allah Azzawajal à travers donc ce qu'ils nous ont transmis. Hada wa zubda, c'est donc le plus important. Et il nous dit donc cela va impliquer qu'on ne revient pas au livre d'Allah Azzawajal, qu'on ne revient pas donc aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que ce qu'eux ils ont interprété, vu que eux ce qu'ils ont renié, c'est en réalité al-haq, c'est en réalité ce qui est véridique. Donc on doit revenir, ça implique donc leur croyance, que l'on doit revenir à leur raison, eux, à leur propre raison, et qui est bien entendu des raisons qui sont elles-mêmes, qui font preuve donc de divergence, de schisme, etc. Car on sait que les raisons sont différentes d'une personne à une autre, donc chacun va interpréter. Ceux qui vont donc ensuite renier tous les attributs, ceux qui vont renier certains attributs, etc. Donc on va voir que chacun, il va mettre sa propre croyance, il va mettre son propre minhage en place, taïb, et donc ici ça va devenir le vrai marjir, ça va revenir donc la vraie source pour connaître leur Seigneur. Et non, point ici, à partir de là, le Coran. Ça implique cela. Il nous dit le shir, fasabil ou at-takdhib in wajadu ila dhalika sabila. Ça veut dire tout simplement, s'ils arrivent à démentir un texte, ils vont le faire. In wajadu sabila. À titre d'exemple, ça c'est impossible pour ce qui est du Coran. Ils ne peuvent démentir ce qui est dans le Coran. Bien entendu, comme on avait dit, celui qui va démentir ce qui est dans le Coran, comme on l'avait dit, jahd takdhib, ça c'est du kufr. Du kufr bawah, c'est-à-dire que la personne sort de l'islam, ça devient un kafir. Par contre, eux, bien entendu, pour ce qui est du takdhib, ils vont utiliser ce takdhib uniquement dans ce qui est possible. Et à l'exemple de ce qu'ils ont fait, ils sont revenus à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui était du Coran, ils n'ont pas pu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, en réalité, altéré le sens. Il nous dit le shir, au harrafu, ici au tahrif, alladhi yusammuna ta'wilan. Donc eux, ils le nomment par interprétation, mais en réalité, c'est bel et bien un tahrif, c'est bel et bien une altération, altération du sens, un tahrif. Donc, pour ce qui est du Coran, ils ne peuvent pas donc renier dans le sens du kadhiboun, taïb, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour ce qui est du Coran? Sayuharrifoun, ils vont donc altérer le sens. Par contre, s'ils ont la possibilité donc de démentir, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils ont fait par rapport à la sunna. Par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on sait que c'est la croyance des gens de l'innovation, ils ont dit que les hadiths qui sont dits ahad, al-hadith al-ahad, donc le hadith qui va avoir une nomination bien précise, qui ne va pas être sans rentrer dans les détails de la terminologie ici, du point de vue de la science du hadith, le hadith tout simplement qui ne va pas être retransmis par plusieurs personnes, qui ne va pas avoir plusieurs chaînes de transmission, etc., mais qui va être restreint par rapport à sa transmission, le hadith qu'on dit, al-hadith al-ahad, ce hadith-là, on ne l'accepte pas. Car, donc, par des hujjats, par des preuves qu'eux, ils voient, qu'ils inventent, donc, ils vont dire que ça ne peut être acceptable. On va donc rejeter tous les hadiths concernant, plus particulièrement la croyance, on va rejeter tous les hadiths du prophète sallam qui sont dits, donc, al-hadith al-ahad. On va tous les rejeter. Car, on ne peut les accepter. Ça, c'est un des moyens qu'ils ont trouvé pour rejeter, donc, un grand nombre des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent donc des noms et des attributs d'Allah azza wa jalla. De part donc cette fausse preuve, yadi hujjati al-batila. Donc on voit ici que cette implication que ça a eu, le fait donc d'avoir cette croyance, et que ça implique que al-marji', c'est-à-dire ici le fait de revenir à une source, ce n'est plus ici le Qur'an, mais c'est bel et bien al-uqul, leur raison à eux, leur propre intelligence, leur propre raison, et comme ils voient les choses. Ensuite, le shir dit, khamisa, au cinquième point, ou alors à la cinquième implication, il va nous dire également une chose qui est très importante, le shir, faire une démonstration qui est très importante, et on va la laisser, inshallah, à vendredi, donc au cours prochain. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.